quel est le point commun entre le diabète, le cancer, les maladies neurodégénératives, les maladies cardiovasculaires et la dépression? Peut-être bien des mécanismes inflammatoires à bas bruit, à bas grade, qui pourraient expliquer le déclenchement de toutes ces affections. La maladie de Hirschsprung a été découverte en 1886, près d'un siècle et demi après. Cette affection du côlon hypertrophié échappe toujours à la médecine malgré des avancées certaines. Et puis, nous reviendrons au cours de cette heure sur la controverse autour de la prescription des statines dans la lutte contre les maladies cardiovasculaires. Mécanismes inflammatoires, maladie de Hirschsprung et statine, ce sont quelques-uns des sujets que nous allons aborder au cours de cette heure. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour développer ces sujets avec le brio que vous leur connaissez autour de cette table ronde d'actualité des recherches, des sciences, d'actualité des sciences et de la recherche, pardon, Caroline Tourbe, bonjour. Bonjour. Chef du service médecine et santé de notre partenaire chéri, le magazine Science et Vie. Bonjour Élodie Chabrol. Bonjour. Vous êtes directrice France du festival Pint of Science et nous accueillons exceptionnellement aujourd'hui pour revenir donc sur le dossier statine et cholestérol, Gérard Elft. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cardiologue, vice-président de la Fédération française de cardiologie. On vous retrouve dans une dizaine de minutes puisqu'avant cela, il ne vous aura pas échappé cette semaine que nous nous sommes mis à envoyer des voitures dans l'espace pour remettre de l'ordre et de la clarté dans une actualité scientifique qui semble avoir perdu le sens commun. Elle est le pilier de la sagesse scientifique. C'est Zoé Sfès pour le Journal des Sciences. Bonjour Zoé. Bonjour Nicolas. Le Journal des Sciences. Et on commence ce journal avec cette étude dont les résultats sont assez inattendus, Zoé. Des résultats qui révèlent que la couche d'ozone continue de se dégrader, contrairement à de précédentes études qui parlaient de sa régénération. Et elle se dégrade non plus au pôle, mais au-dessus des zones les plus peuplées du monde et aux plus basses altitudes de l'atmosphère. Mais cette étude est très commentée depuis sa parution cette semaine dans Atmospheric Chemistry and Physics, puisqu'en effet, vous l'avez dit, la découverte dans les années 70 de la destruction de la couche d'ozone, notamment du fameux trou qui s'était formé au-dessus de l'Antarctique, a conduit très vite les chercheurs à identifier le rôle néfaste des chlorofluorocarbures, dit plus simplement les CFC, sur cette couche. Elle a mis en place notamment du protocole de Montréal et donc d'une stratégie qui jusqu'ici, vous l'avez dit, a été plutôt très efficace pour restaurer cette couche. Oui, mais il y a cette étude menée par une équipe internationale qui a connecté les données de dizaines de missions satellitaires depuis 85. Une étude qui devait à l'origine rendre compte de l'impact des variations du soleil sur l'atmosphère, mais qui a aussi et surtout mis en évidence un phénomène jusque-là jamais observé, ni surtout prévu par les modèles existants. C'est ce que m'a expliqué hier William Ball, c'est le spécialiste de l'étude de l'atmosphère à l'ETH de Zurich et c'est l'auteur principal de cette étude. Nous avons fait cette découverte par hasard. Nous nous sommes retrouvés avec des données fiables sur les changements dans la couche d'ozone qui révélaient très clairement que dans la partie la plus basse de l'atmosphère, dans les zones les plus peuplées, la couche d'ozone continuait de décliner et cela a vraiment été une surprise. C'était tout à fait inattendu. Dans les années 80, on a découvert le trou de la couche au niveau des pôles et mis en place le protocole de Montréal qui a permis l'interdiction des CFC, ces substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Dès que le protocole est entré en application, on a noté des signes de récupération très clairs dans la stratosphère supérieure. Et depuis, notre stratégie de contrôle et de compréhension de la couche d'ozone se base sur ces indicateurs, les CFC et les gaz à effet de serre. Et jusqu'ici, aucun des modèles développés par les climatologues n'avait jamais montré de vrai déclin à des altitudes intermédiaires. Il n'y a donc pas de recherche sur ce qui se passe à ces endroits-là. C'est donc la première fois qu'apparaissent des résultats statistiquement significatifs qui montrent que la couche d'ozone décline, loin des pôles à basse altitude, dans des régions où nos modèles n'avaient absolument pas prévu de déclin. Voilà William Ball qui appelle immédiatement à la mise en place d'autres études et de nouvelles mesures au niveau les plus bas de l'atmosphère pour confirmer ces résultats, Zoé. Et puis surtout pour les expliquer, puisque William Ball et ses collègues ont proposé deux causes possibles pour ce phénomène. Première cause, elle serait liée au changement climatique. L'ozone est produit, vous le savez, par des réactions chimiques dans l'atmosphère au-dessus des tropiques, puis il est distribué vers le monde polaire par de grands courants de circulation de l'air. Le réchauffement climatique a renforcé ces courants qui, en déplaçant davantage d'ozone vers les pôles, pourraient en laisser moins aux latitudes aptitudes inférieures. L'autre hypothèse très sérieuse pour William Ball, ce serait que les responsables seraient les very short lived substances, ou substances à durée de vie très courte, des produits chimiques industriels qui contiennent du chlore, du brome, mais qui n'ont pas été interdits par le protocole de Montréal parce qu'on pensait jusque-là qu'ils se décomposaient trop vite, en 6 mois maximum, pour atteindre la stratosphère. Mais une étude parue en juillet et menée notamment par le spécialiste de la chimie atmosphérique Martin Chipperfield de l'université de Leeds montre qu'en fait leur rôle a jusqu'ici été largement sous-estimé, comme il me l'expliquait lui aussi hier. Les mesures que nous avons faites montrent clairement une forte augmentation de ces substances à durée de vie très courte, en particulier du dichlorométhane sur lequel nous nous sommes concentrés. Aussi bien au sol qu'en altitude, nos observations révèlent qu'il est présent en importante quantité partout dans le monde, mais surtout au-dessus d'endroits très chauds comme l'Asie du Sud-Est. C'était une surprise et nous ne comprenons toujours pas pourquoi il y en a autant. On sait que le dichlorométhane est assez utilisé, notamment dans les aérosols ou les solvants industriels, mais cela n'explique pas qu'on en trouve autant dans l'atmosphère. Nous avons en tout cas démontré que le dichlorométhane, une fois qu'il a atteint la haute atmosphère, détruit la couche tout autant que les CFC, ce qui pourrait retarder le rétablissement prévu de la couche d'ozone. Quant à cette étude publiée cette semaine, qui montre que l'ozone décline à moyenne altitude, c'est une vraie surprise. Il est tout à fait possible que les gaz comme le dichlorométhane jouent un rôle, car en effet, ils détruisent l'ozone. Mais le modèle que nous avons aujourd'hui ne permet pas d'en avoir une preuve directe. Ce que ça montre, c'est surtout qu'il ne faut pas penser qu'on a tout compris à la couche d'ozone. Ces substances à durée de vie très courte peuvent constituer un élément de réponse, mais il reste beaucoup d'inconnus sur leur identité chimique, donc il y a encore du travail. En bref, maintenant, la directrice du Centre américain de prévention des maladies, le CDC, a démissionné pour cause de conflit d'intérêts. C'était mardi, le docteur Brenda Fitzgerald, 71 ans, a démissionné juste là après que le site Politico a révélé que celle qui avait pris la tête de la gouvernance des CDC depuis à peine 7 mois avait investi plusieurs milliers de dollars d'actions et de titres auprès de plusieurs industriels du tabac, comme British American Tobacco ou Philip Morris, mais aussi quelques autres émanant de groupes pharmaceutiques comme Merck, Bayer et d'une compagnie d'assurance Humana, le CFC qui est donc sans tête alors que les États-Unis traversent un épisode d'épidémie grippale très très important. Le CDC, pas le CFC, le CFC c'est les gaz qui détruisent la couche d'ozone. Pas tout à fait la même chose. En bref, toujours les fourmis zoées pourraient représenter une précieuse source de médicaments. C'est ce qu'indique une étude parue cette semaine qui rappelle que les fourmis produisent naturellement des substances capables de détruire des germes, tels que des bactéries ou des champignons, qui pourraient être mises à profit pour faire face à l'antibiorésistance. 12 des 20 espèces de fourmis connues avaient des propriétés antimicrobiennes à des degrés divers. Les deux espèces qui ont démontré la plus forte activité antimicrobienne dans cette étude font partie des plus petites fourmis testées. Le deuxième sujet de la semaine, vous n'avez pas pu le rater cette semaine, à part la neige, certes, il y avait un autre élément dans l'actualité qui a fait le tour d'à peu près tous les sites d'information généralistes. C'est le lancement de la fusée la plus puissante du monde, le Falcon Heavy, développé par SpaceX, la firme aérospatiale du milliardaire Elon Musk. Et c'était un lancement déterminant extrêmement attendu, hein, aussi bien par l'homme d'affaires américain que pour tous ses concurrents. Cette méga fusée qui avait été annoncée initialement en 2013, dont le lancement a été reporté 3 fois, qui a coûté près d'un demi-milliard de dollars. Elle est propulsée par 27 moteurs constitués de 3 fusées Falcon 9 qui ont été assemblées les unes aux autres. Elle génère 2500 tonnes de poussée au décollage, soit 3 fois plus que les fusées Falcon 9. Alors certes, l'un des 3 boosters de la fusée s'est abîmé en mer après ce lancement, à 300 mètres de la barge prévue pour l'accueillir à cause du défaillance de l'un de ces 3 moteurs. Mais techniquement, le lancement de Falcon Heavy est un immense succès, estime Richard Edman. Il est l'auteur d'un roman de science-fiction Alerte à Mars City, mais il est aussi et surtout ingénieur en propulsion spatiale et vice-président fondateur de l'association Planète Mars. Ce qui a fait le plus peur, c'est le nombre très important de moteurs. 27 moteurs à faire marcher simultanément, c'était considéré par beaucoup comme quelque chose de très risqué. Ce qu'on a en mémoire, l'expérience du lanceur lunaire soviétique, le N1, qui n'a jamais fonctionné, justement en partie parce qu'il avait ce très grand nombre de moteurs. Donc ça, c'est la première difficulté. Et la deuxième, qui est un plus à une innovation de la part de SpaceX, c'est le fait d'être capable de récupérer et puis de réutiliser les boosters et le premier étage de la fusée. Parce que effectivement, si ce vol était un succès, on avait la preuve irréfutable que SpaceX était arrivé à faire non seulement un lanceur deux fois plus puissant que ce qui existe actuellement, mais en plus un lanceur en grande partie récupérable et donc capable d'offrir des prix impossibles à battre par des lanceurs non réutilisables. Le problème de la réutilisation, c'est un vieux dada des spécialistes de fusées depuis, je dirais, le début de l'ère spatiale. Alors, c'est très important parce que en poussant le trait jusqu'au bout, on peut comparer ça à ce que seraient les vols en avion si les avions devaient être détruits à chaque fois qu'on en utilise un. Si on pousse à l'extrême le concept de récupération et de réutilisation des fusées, la fusée sera réutilisée comme un véhicule, comme un avion, l'est actuellement au plan commercial. Alors, on n'est pas tout à fait là, hein, mais grâce à SpaceX, on a déjà franchi un grand pas. En bref, de nouvelles études confirment qu'il y aurait de l'eau en grande quantité dans le système planétaire autour de TRAPPIST. Ce groupe d'exoplanètes découvert en 2016 est très intéressant, de plus en plus intéressant. Non seulement leur plan orbital est idéalement placé pour permettre leur observation, mais elle contiendrait de l'eau, révèle une nouvelle étude de l'ESO, pour certaines jusqu'à 5% de leur masse, qui fait environ 250 fois plus d'eau que la Terre. Et une grande étude réalisée par l'INSERM confirme que chaque organe dispose de sa propre horloge biologique. Cette étude est le résultat d'un travail de 10 ans. Elle rappelle qu'environ 2/3 des gènes codant pour des protéines sont exprimés de façon cyclique au cours des 24 heures avec des pics en matinée et en début de soirée. Oui, mais elle révèle aussi que cette expression varie beaucoup, beaucoup d'un tissu à l'autre, confirmant qu'en plus de l'horloge centrale interne, chaque organe exprime sa propre horloge. Les chercheurs préparent désormais un atlas des tissus destiné à mieux adapter le développement des médicaments pour accroître leur efficacité et bien sûr réduire leurs effets indésirables. Et pour conclure, comme chaque semaine par notre rubrique de science improbable, lorsque vous dites pour rire que vous avez un seul cerveau avec votre meilleur ami, que vous partagez vos neurones, en fait, c'est quasiment vrai, Zoé. Mais oui, on le sait quand on est avec quelqu'un. Combien vous le savez, Nicolas Martin ? Il nous écoute d'ailleurs. Il vous écoute et on en est sûr et on les salue bien bas, puisque vous le savez, quand vous avez donc des amis comme Nicolas Martin, vous avez souvent le même type d'humour, vous lui empruntez des mimiques, une certaine prosodie, une certaine tendance à rire des mêmes blagues, même et surtout quand elles sont très douteuses. Ça va beaucoup plus loin que ça, puisque les amis ont bien des cerveaux qui se ressemblent. C'est ce qu'indique cette étude passionnante menée à l'Université de Californie, qui a scanné le cerveau de 42 camarades de classe pendant qu'ils regardaient un film pour enregistrer leur activité cérébrale. Et figurez-vous que l'activité cérébrale d'un ado ressemble bien plus à celle de son ami qu'à celle de quelqu'un qu'il connaît mal, qui n'est pas son ami, particulièrement dans les zones qui sont liées à l'attention, à l'émotion et bien sûr au langage. On parle de degrés de similarité qui sont si importants que les chercheurs ont réussi à l'aveugle à prédire qui était ami avec qui dans cette classe sans faire aucune erreur. Alors comment expliquer cela ? Bien sûr, il s'agit d'un phénomène dialectique. Selon les chercheurs, vous allez avoir tendance à devenir ami avec des gens qui réagissent aux mêmes émotions vous, et puis votre amitié va renforcer cette similarité cérébrale. Voilà, donc est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vos amis Nicolas Martin ? Je n'en sais rien. Néanmoins, c'est une réalité. Je suis extrêmement inquiète de la taille de mon cerveau, de l'apparence de mon cerveau quand je pense. Bon bref, merci beaucoup Zoé Sfez, on vous retrouve la semaine prochaine. Une petite réaction, un tour de table à ce que vous venez d'entendre, hormis cette histoire de cerveau similaire. Peut-être un mot sur, je ne sais pas, l'horloge biologique ou éventuellement même sur cette histoire d'ozone dans l'atmosphère. Caroline ? Sur l'horloge biologique, on avait fait à Sciences et Vie il y a déjà un bon moment, un article sur des études, des essais cliniques qui était mené, si je ne me trompe pas, à l'Institut Curie, pour justement savoir s'il était possible de choisir le meilleur moment de la journée pour donner une chimiothérapie. Ces résultats ont dû être publiés, mais alors j'avoue que depuis, je n'ai pas suivi, mais c'est clair que l'étude de l'INSERM vient confirmer quelque chose dont on se doutait déjà. C'est la mise en application en fait de ces données fondamentales qui tarde. Pareil, on a des constats sur des maladies qui sont liées aux gens qui travaillent en décalé, dont on imagine aussi que c'est certains organes dont l'horloge biologique serait maltraitée par ce rythme de vie qui pourrait expliquer l'apparition de ces maladies. Bon, voilà, ça, c'est du fondamental, on n'est pas encore aux cliniques. Il y a des études qui montrent également aussi que les traitements n'agissent pas de la même façon en fonction de l'heure à laquelle on les prend. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, prendre le traitement à telle heure le rend plus efficace. Ça vous parle, vous, cette histoire d'horloge biologique de chaque organe, Gérard Elst, oui, le cœur, en l'occurrence, puisque vous êtes cardiologue, je le rappelle, vice-président de l'Association française de cardiologie. De la Fédération. La chronobiologie, c'est évidemment un domaine passionnant. En fait, pour l'instant, pour ce qui concerne les médications du cœur, il n'y a pas encore de conséquences. Il y a des essais en cours qui essayent de savoir s'il y a des moments plus opportuns que d'autres pour administrer des médicaments, mais on est encore au stade de la recherche. Élodie, quelque chose qui vous a retenu, qui a retenu votre attention? Justement ça, parce que j'étais venue en parler en octobre du prix Nobel, notamment des rythmes circadiens, etc. Et c'est vrai que je pense que c'est vraiment l'avenir de la médecine de réussir à caler les médicaments au bon moment. Un petit mot peut-être sur la grande nouvelle, sur ce succès industriel de SpaceX. Ça veut dire que, Caroline, on est passé dans le New Space, ou Elodie, ou je sais pas, on est vraiment rentré, ça y est, dans une autre ère avec ce Falcon Heavy, avec la fin du monopole des grandes agences spatiales internationales et la privatisation complète de l'espace, Elodie. Oui, tout à fait, et également dans le recyclage, c'est-à-dire qu'il y avait pas mal de déchets avec les fusées dont on ne peut pas récupérer ni les boosters ni le premier étage. Et là, on arrive à envoyer des fusées qu'on peut récupérer, donc niveau déchets, etc. Dans l'espace, je trouve que c'est quand même pas mal. Bon, ils ont envoyé une voiture, donc... Voilà. Est-ce que c'est trop de communication? Est-ce que vous en pensez quoi, Caroline? Il en fait trop, Elon Musk. La communication, il a même dit que c'était sur la musique de Life on Mars. Oui, la voiture. Mais sauf si je me trompe, le son ne se propage pas dans l'espace. Du coup, je pense que ça n'a pas dû être terrible. Puis alors, si on veut faire des néo-cerveaux, David Bowie a joué Nikola Tesla dans le film de Christopher Nolan. Maintenant, c'est Tesla qui joue David Bowie dans l'espace. La boucle est bouclée. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h17, pour commencer notre tour de table habituel du vendredi, nous allons revenir sur une émission passée. C'était celle du 18 décembre dernier, qui était assurée par Michel Berganti autour de la question des statines et du traitement de l'hypercholestérolémie à la suite de la rediffusion du documentaire d'Anne Georget sur Arte, documentaire intitulé « Cholestérol, le grand bluff ». Étaient invités autour de cette table Anne Georget et Michel de Lorgerie, le médecin épidémiologiste et chercheur au CNRS, tous deux très critiques envers la prescription massive de statines et dénonçant, je résume à grands traits, on va vous remettre le lien vers l'émission sur le fil Twitter si vous souhaitez la réentendre, dénonçant donc une sorte de martingale financière de l'industrie pharmaceutique réalisée avec le concours de certains médecins autour de ces prescriptions massives donc de statines pour lutter contre les excès de cholestérol. Dans cette émission, comme chaque jour, nous avons diffusé un reportage qui vous était consacré, Gérard Helft, je rappelle que vous êtes vice-président de la Fédération Française de Cardiologie. Reportage qui fut par ailleurs vivement critiqué par les deux invités en plateau sans que vous ayez la possibilité de contrebalancer leurs arguments. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de vous inviter aujourd'hui suite aux critiques que vous nous aviez fait parvenir pour vous donner la parole in extenso. Alors je précise malgré tout que vous n'avez pas fait de demande officielle de droit de réponse mais qui nous a semblé légitime compte tenu du tour qui a pris le débat de rétablir les équilibres de temps de parole et de point de vue. Ceci étant dit, que répondez-vous Gérard Helft aux arguments qui ont critiqué pas tant l'efficacité clinique des statines qui ne fait aucun doute, aujourd'hui personne ne la conteste, mais l'ampleur des prescriptions qui était le centre des discussions, de dire qu'elles avaient été trop prescrites, trop abondamment pour un certain nombre de raisons. Oui, merci de me donner la parole. Ce n'était pas le point principal de l'émission. D'abord, sans revenir longuement sur l'émission, je dois vous dire que j'ai été surpris et déçu que vous donniez la parole à ceux que je considère et à ce qu'il faut considérer comme des non-experts qui n'avaient pas accepté de contradicteur. Mais finalement, peu importe, et comme vous le dites, c'est absolument pas un droit de réponse que je souhaitais. En fait, c'est simplement un droit à l'information. Bien sûr. Pour les auditeurs de France Culture, et en particulier pour ceux, et il y en a un certain nombre, qui prennent des statines. Pour revenir sur le sujet, c'est un sujet diablement important. Les maladies cardiovasculaires représentent actuellement la deuxième cause de mortalité en France, juste derrière le cancer. Pour les femmes, c'est d'ailleurs la première cause de mortalité en France. L'athérosclérose, les maladies, les cardiopathies ischémiques sont un grand pourvoyeur de ces maladies cardiovasculaires et on sait qu'elles sont globalement favorisées par quatre facteurs de risque principaux, pour aller très vite, le tabac, le diabète, l'hypertension artérielle et l'excès de cholestérol. Il est absolument logique de vouloir lutter contre ces facteurs de risque et donc de lutter contre le cholestérol. Depuis une centaine d'années, il y a un consensus et encore une fois, ce que je dis n'est pas mon opinion, c'est l'opinion de toutes les agences de santé du monde entier, incluant la France évidemment, de la Haute Autorité de Santé, de la Société Française de Cardiologie, de la Société Américaine de Cardiologie. Enfin, il y a un consensus général pour dire que le cholestérol est en cause dans les maladies cardiovasculaires. Il y a d'ailleurs un lien assez direct entre le niveau du cholestérol sérique, c'est-à-dire le niveau du cholestérol dans le sérum, et la fréquence de survenue de l'infarctus du myocarde. Donc il y a un lien épidémiologique, physiopathologique vraiment incontestable. Depuis un peu plus de 20 ans, on a des molécules, les statines en l'occurrence, qui ont démontré que non seulement elles permettaient de diminuer le cholestérol, mais qu'elles permettaient également de diminuer la fréquence des infarctus du myocarde. Il y a des méta-analyses, enfin, on ne peut pas dire le contraire. Mais personne ne le conteste vraiment. Hein. L'efficacité clinique des statines, personne ne les conteste. Je suis heureux vraiment. De vous l'entendre dire, mais je ne suis pas tout à fait. C'est pas tout à fait ce que j'ai entendu. Caroline Tourbe fait des grands yeux. C'est pas du tout le cas. Non, c'est très contesté. L'efficacité clinique des statines. Bien sûr, on est en plein dans une même une guerre de religion parce qu'il y a vraiment deux camps qui veulent pas se parler. Hein. C'est devenu vraiment un sujet très controversé. Alors en France, particulièrement, c'est vrai que le documentaire dont vous parliez, qui a été rediffusé sur Arte, a fait un taux d'audience record. Non, c'est un sujet qui est polémique. Et puis, il y a des voix dissonantes qui s'élèvent contre le discours qui est qualifié de dominant, que vous tenez là. On ne peut vraiment pas dire que ce soit une mer calme. Ce n'est pas une mer calme, vous avez tout à fait raison. Mais en fait, je m'excuse de vous le dire ici, c'est la responsabilité des médias. Les médias reportent les quelques critiques qui sont faites par une infime minorité de non-experts qui n'apporte aucune preuve, pas le début d'une preuve pour dire que le cholestérol... Est-ce que vous considérez par exemple que la revue Prescrire fait partie des médias qui apporteraient une controverse non spécialisée sur les statines ? Qui est très excessive. Je ne me fais pas de porte-parole de Prescrire. Elle est très excessive, elle pose des bonnes questions. Voilà, alors il me semble par exemple qu'on pourrait dire que Prescrire apporte de l'eau au moulin de ce débat que je trouve être scientifiquement intéressant sur le cholestérol et sur l'usage des statines. Gérard Elf. Et en fait, j'ai été frappé de tomber il y a quelques semaines sur un sondage de l'IFOP qui était un sondage général et qui nous apprenait que parmi les 18-24 ans, 9% des interrogés envisageaient que la Terre pouvait être plate. Oui. 9%, 9 à 10%. Donc un jeune sur 10 pense que la Terre peut être plate. Je pense que dans cette émission, j'aurais du mal à trouver des partisans de la Terre plate. Et donc, donc que l'on considère que quelques pourcents de gens... pense que le cholestérol n'est pas un facteur de risque de la maladie cardiovasculaire et que les statines sont inefficaces, je le conçois. Mais on est dans un autre débat. Alors, pour rapprocher peut-être d'une autre statistique qui est plus proche que celle de la Terre plate, on voit bien qu'effectivement, aujourd'hui, le problème des statines, on peut trouver des similarités dans les débats qu'il peut y avoir autour de la vaccination, où on a du mal, ici même, à trouver des gens pour parler calmement de ces questions-là et pour apporter des débats contradictoires, argumentés, informés et scientifiques à ce débat-là. Il me semble que, outre la controverse autour de l'efficacité des statines, un des problèmes, ce qui me semble important, Gérard Elf, c'est qu'il faut pouvoir malgré tout répondre et argumenter face à ces doutes pour informer effectivement le public. Aujourd'hui, que répondez-vous précisément à cette polémique qui peut à un moment donné toucher les gens qui disent, ou en tout cas l'un des débats, en tout cas ce que dit Anne Georget, en grande partie, qui elle ne tranche pas sur l'efficacité ou non des statines, elle dit la défiance vient en partie du fait qu'il y a eu un excès de prescription pour des cas où ça n'était pas naturel, même s'il est reconnu que quand les gens arrêtent des statines, il y a une hausse de la mortalité liée aux maladies cardiovasculaires. Et il y a des études aujourd'hui qui le montrent. Il est vrai qu'il y a eu probablement un excès de prescription pour des patients... ce qu'on appelle en prévention primaire, donc c'est-à-dire des personnes comme vous et moi qui ne se plaignent de rien, qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire et qui ont du cholestérol. Il n'est absolument pas certain qu'il faille prescrire des statines à une personne en bonne santé, qui a un cholestérol modérément élevé et qui n'a pas d'autres facteurs de risque cardiovasculaire. Donc cela n'a rien à voir avec des personnes qui ont déjà fait un accident cardiovasculaire, qui ont fait un infarctus. On appelle ça la prévention secondaire. Tout à fait. Et dans la prévention secondaire, il est impossible, à mon sens, de douter que les statines sont efficaces. Et en prévention primaire, pour les gens qui ne se plaignent de rien, en fait, le médecin devra estimer le risque absolu. Est-ce que le risque de ce patient est suffisamment important pour envisager une prescription par statine ? Dans certains cas, la réponse est positive, dans certains cas, elle est négative. Il est vrai que dans certains cas, les prescriptions ont sans doute été à mauvais escient, mais certainement, il est très dangereux, à contrario, d'arrêter les statines alors que l'indication est formelle. Caroline Tourbe. Sur les statines et sur le cholestérol, l'un des points, est, quand vous citiez le sondage sur la défiance et le complotisme qui monte, en fait, l'un des points, il faudrait il faudrait être clair aussi, c'est que sur les statines et sur les prescriptions médicales, il y a quelque chose qui a émergé dans l'opinion publique, c'est la prise de conscience des conflits d'intérêts des spécialistes qui s'expriment. C'est vrai que c'est quelque chose avant dont on n'entendait jamais parler, qui était quelque chose que les gens considéraient comme n'existant pas. Maintenant, les choses ont été mises sur la place publique. Depuis maintenant plusieurs années, il existe une base de données sur laquelle les médecins qui s'expriment en tant qu'experts, comme vous, doivent déclarer leurs liens d'intérêt. Donc on sait par exemple, si on va sur cette base, que vous êtes en lien avec des laboratoires qui produisent des statines. Donc le conflit d'intérêt, ou en tout cas le lien financier est déposé et montré sur ce site. Donc, sur la base transparence santé, hein, effectivement. Ouais, transparence santé. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que la notion de médecin et d'expert, c'est pour revenir sur... elle est vivement critiquée, mise à mal dans le débat. Et des gens comme Michel Delorgerie, qui s'exprime de façon véhémente sur un sujet qu'il connaît bien. Alors vous dites que c'est un non-expert, moi je considère que c'est quelqu'un qui est expert dans son sujet. On ne peut pas revenir sur son cas. Bon, voilà, mais en tout cas, c'est aussi un combat, voilà, c'est un combat entre d'un côté des gens qui seraient des tenants du conflit d'intérêts, des tenants des grands laboratoires, et de l'autre des gens qui ne le seraient pas et seraient des combattants d'être purs et alors vous savez sans doute qu'en France, il y a une haute autorité de santé. Que la haute autorité de santé, depuis des années, fait des efforts considérables pour émettre des avis par des experts indépendants de tout lien avec l'industrie pharmaceutique. Alors c'est vrai que c'est difficile pour des multiples raisons, mais ils y arrivent et je crois qu'on ne peut pas remettre en cause les conclusions de la haute autorité de santé. Et sur le problème du cholestérol et des statines, la réponse est très claire et encore une fois, elle rejoint toutes les autorités dans le monde entier. La question que posait Caroline, c'est vrai que le problème, c'est que ces conflits d'intérêts, en l'occurrence, ils brouillent le message. C'est-à-dire qu'ils brouillent le message scientifique. C'est vous vrai. Pouvez vous accorder là-dessus. Il y a effectivement une collusion qui fait qu'à un moment donné, ça vient entretenir un doute, ça vient légitimer une position qui devient une position plus politique que scientifique. Mais que l'on s'interroge, c'est normal. Et je suis le premier à mettre en question toute information. Mais encore une fois, les détracteurs de cette théorie qui implique le cholestérol et qui fait que le cholestérol est un agent causal et que diminuer le cholestérol est extrêmement bénéfique, ils ne s'appuient sur aucune étude scientifique. Ils ne citent jamais d'études scientifiques en leur faveur. Ils dénoncent les études qui sont en faveur de l'effet des statines, mais ils n'apportent pas d'articles en leur faveur. C'est vrai que moi je suis encore une fois la porte-parole de personne, ou à Science et Vie, ça fait longtemps, ça fait très longtemps qu'on parle du débat sur le cholestérol et sur les travaux, et sur aussi la façon dont certaines études qui montraient le lien entre cholestérol et maladies cardiovasculaires ont été étudiées, analysées, bon, voilà, donc on s'y est intéressé. Mais c'est vrai que la prescription de statine, ça c'était pour revenir sur ce que vous disiez, c'est vrai qu'il y a vraiment eu l'impression d'une vague d'une vague de prescription pour des gens qui, a priori, allaient voir leur médecin, étaient en bonne santé. C'est ce que vous décriviez tout à l'heure. C'est-à-dire, ils arrivent, ils sont en bonne santé, on fait un examen, vous avez un peu de cholestérol, on vous le prescrit. Ça, on est revenu sur ça. Donc, il y a aussi ça qui, je pense, alimente le débat. C'est qu'on est arrivé, on est parti d'une vague énorme, un succès monumental. C'est vraiment, il y a eu des prescriptions à tire-larigot. Et là, on est arrivé dans une situation où on est en deuxième intention, c'est ce que vous expliquez, où je pense les choses se calment, et sûrement que le débat peut-être finira d'ailleurs par se calmer, que cette deuxième intention, même, c'est compliqué parce qu'il y a même des gens qui pensent que le cholestérol n'est pas forcément en lien direct avec les maladies cardiovasculaires, qui estiment que quand même, en deuxième intention, statines peuvent être prescrites et avoir un effet sur la santé des malades. Donc, le retour de balancier était complètement excessif, puisqu'actuellement, il y a de nombreux patients, des milliers de patients qui arrêtent en raison de propos qu'ils entendent sur des médias qui les relaient, qui arrêtent les statines alors qu'elles ont une indication formelle et qui se mettent en danger. Élodie Chabrol. Oui, non, je remoussais par rapport à ça, parce qu'effectivement, dans le film de Le Grand Bluff, ils parlent de seconde intention, ils disent qu'effectivement, les statines en seconde intention sont très très utile, mais effectivement c'est là où ils ont parlé de première intention, pas forcément. Et donc je remontissais sur ce que disait Caroline tout à l'heure, et que je pense que effectivement si des gens se demandent s'il faut qu'ils continuent ou pas, à la limite il faut aller voir son médecin, discuter son cas, etc. Voir. Voilà. La diffusion du documentaire était suivie, je me souviens à la fin là, la deuxième fois, ils étaient suivis d'un avertissement qui disait n'arrêtez pas les statines sans en avoir parlé avec. Parce que le documentaire était, je le persiste à le dire, extrêmement délétère. Un mot tout de même pour conclure ce débat et cette prise de parole, Gérard Elf. Aujourd'hui, comment expliquez-vous que, alors il y a évidemment le contexte de doute général et de doute notamment vis-à-vis des institutions médicales, etc. Il peut y avoir la complexification liée au conflit d'intérêts une fois de plus, mais comment s'expliquer qu'il n'y ait pas aujourd'hui d'études indiscutables, incontestables, qui ne puissent plus être contestées par des autorités absolument indépendantes qui prouvent effectivement que les statines en deuxième intention sont indispensables et améliorent correctement, indiscutablement, la santé des patients. Les études sont là. Il n'y a absolument pas lieu de les refaire. Elles sont indiscutablement là. Que les statines aient des effets secondaires, c'est un autre sujet qu'on n'a malheureusement pas le temps d'aborder ici. Il y a également un effet nocebo des statines. Le patient, sachant qu'il a des effets indésirables dus aux statines, les attribue des effets indésirables aux statines. Mais je crois que les études, il n'y en aura plus. Elles sont faites, la démonstration est là, et ceux qui ne veulent pas les entendre, dommage pour eux. Caroline Tourbe, sur cette question des études. Parce que c'est moi qui disais, c'est moi qui ai commencé, c'est moi qui ai commencé cette partie en disant il n'y a pas de doute sur l'efficacité clinique des statines, et c'est vous qui m'avez repris en disant mais il y a des doutes. Pas que moi, vous le soulignez aussi. C'est vrai qu'il y a des doutes qui traversent la société. Après, quand on dit que c'est uniquement la faute des médias, moi je veux bien l'entendre. Et encore une fois, quand je vous cite prescrire, il me semble pas que ce soit puisse être considéré comme des non-experts. Voilà. Mais bon. Comment considérez-vous que toutes les agences de santé donnent un feu vert à la prescription de statine? Un complotisme généralisé? Non, je n'ai pas dit ça. Je ne vois pas d'autre explication. En tout cas, on espère que le fait d'être venu expliquer et remettre un peu les choses, vous voyez que ces débats-là sont des débats complexes, ce ne sont pas les seuls. En l'occurrence, on a parlé de la vaccination, on peut parler des OGM, on peut parler du nucléaire, il y a des débats comme ça qui, effectivement, sont extrêmement tranchés. Voilà, merci en tout cas beaucoup, Gérald, d'être venu à nos micros pour apporter ces précisions et répondre donc à ces questions soulevées autour de ces statines qui, rappelons-le, aujourd'hui, avec le changement de régime alimentaire également et de l'activité physique, absolument, sont d'excellents, en tout cas des moyens de traiter les hypercholestérolémies sévères. I'm so in love, I know it's love, and life is a beautiful thing. I don't want to waste a single taste, I want what each day will bring. My heart is light, I have the right to hang on a sunbeam and swing. Why, if I took the trouble, I'd float like a bubble, 'cause life is a beautiful thing. Life is a beautiful thing, I don't want to taste, I want what each day will bring. Just hang on a sunbeam and swing. Why, if I took the trouble, I'd float like a bubble, 'cause life is a beautiful, life is a beautiful thing. Life is a beautiful thing de Peggy Lee à 16h33 sur France Culture. Deuxième sujet de cette table ronde consacrée à l'actualité des sciences et de la recherche. On reste dans le domaine de la santé et des maladies cardiovasculaires. Si ces maladies n'étaient pas que causées par l'hypercholestérolémie, mais aussi, pourquoi pas, par des mécaniques inflammatoires, au même titre d'ailleurs que le cancer, le diabète, les maladies neurodégénératives ou psychiatriques. Bref, si derrière de nombreuses affections chroniques ou aiguës, il y avait l'inflammation, Caroline. Oui, alors c'est un article de Coralie Hancock dans le numéro 2 février de Science et Vie. En fait, elle est partie sur la piste de recherche qui date des années 90, où on essaye de voir quel pourrait être le point commun, parce qu'il y a eu des indices épidémiologiques de gens qui se retrouvent avec donc ce que vous disiez, troubles cardiovasculaires, mais aussi des maladies neurodégénératives, du diabète, tout ça chez un même patient. Et donc, il y a des éléments comme ça qui ont été des signaux faibles. On se demandait ce qui a pu se passer. Et puis, il y a eu des recherches au niveau cellulaire, dans les organes, dans l'organisme de ces personnes. Et tout ça a montré qu'il pourrait y avoir un lien. Alors, si on est sur la recherche fondamentale, qu'il pourrait y avoir un lien et que le lien pourrait être une réaction inflammatoire. C'est-à-dire, l'inflammation, une réaction immunitaire qu'on appelle l'inflammation. C'est quoi l'inflammation pour commencer? À quoi ça sert? Parce que l'inflammation, c'est important. A priori, l'inflammation, si on a des souvenirs de ses cours de biologie au collège ou au lycée, c'est un système qui est fait pour nous défendre. Par exemple, quand on est agressé par un microbe, y a les cellules immunitaires qui se mettent en route et puis tout un système de molécules qui viennent nous défendre. Une fois que l'agression elle a été contenue, l'inflammation est arrêtée et puis on retourne à la normale. Mais parfois, l'inflammation dérape, elle peut s'emballer, ça c'est quand on parle d'allergie. Et parfois également, les réactions immunitaires, elles peuvent même devenir délétères au point de provoquer des maladies auto-immunes. Polyarthrite rhumatoïde, par exemple, qui est connue, et la maladie de Crohn aussi, c'est des maladies où on a le système immunitaire qui s'attaque de façon très agressive à soi-même. Voilà. Et puis, il y a une dernière forme d'inflammation, une inflammation de bas grade ou chronique. On pourrait dire qu'en gros, c'est comme si l'organisme, à certains endroits, était dans une sorte de bain inflammatoire, dont on commence à comprendre un petit peu les rouages biologiques. Et on se dit que peut-être, dans différentes zones du corps, une inflammation de ce type-là pourrait être liée à l'apparition de différents grands fléaux du 20e, fin du 20e et 21e siècle. Cette inflammation à bas grade, elle a été repérée au début des années 90. Et effectivement, on voit petit à petit des études fleurir depuis ce moment-là et se dire, tiens, on trouve des liens. Alors évidemment, il faut être extrêmement prudent parce que ces liens de causalité ou conséquentiels ne sont pas clairs. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que dans toutes ces grandes maladies ou dans tous ces grands fléaux, on trouve un lien avec l'inflammation. Oui, c'est des liens qui vont être différents. Ce qui est intéressant dans l'article de Corian Cox, c'est de voir qu'en effet, sur des groupes de chercheurs très différents, on les voit tourner autour de molécules liées à l'inflammation. On les voit tourner autour des cellules immunitaires. Donc il y a par exemple un volant de la recherche en psychiatrie extrêmement intéressant où on s'aperçoit que dans le cerveau se joue peut-être bien une sorte de combat inutile, inflammatoire inutile qui provoquerait à certains moments, il y a des sortes de fenêtres biologiques pendant lesquelles une inflammation provoquée par exemple par une infection pourrait ensuite devenir chronique et provoquer des troubles beaucoup plus tard. Pour la schizophrénie, c'est une hypothèse qui est sérieusement étudiée. Pour les dépressions, exactement. Donc on se demande si ça n'a pas un lien. C'est dans d'autres maladies dont vous aviez parlé, également pour ce qui était des maladies neurodégénératives pour Alzheimer. Donc pour Alzheimer, il y a même eu il y a quelques années un espoir de traitement par anti-inflammatoire. On s'est dit d'un seul coup, il y a des effets secondaires d'anti-inflammatoire qui pourraient ralentir, évidemment pas soigner. Il y a des éléments. Ce qu'on peut dire, c'est juste que c'est une sorte de moment d'effervescence autour de l'inflammation dans des champs de recherche extrêmement différents, a priori, sur des maladies dont on n'imagine pas qu'il puisse y avoir un lien. Mais par exemple, quel est le lien avec les maladies cardiovasculaires qu'on évoquait à l'instant? Alors, sur les maladies cardiovasculaires et notamment sur les parois des vaisseaux, il y a des études qui montrent qu'il pourrait y avoir une fragilisation des plaques liée à l'activité de molécules inflammatoires, que c'est elles qui fragiliseraient, seraient là en permanence, c'est ce que je dis, une sorte de bain inflammatoire et qui pourrait, avec aussi des mouvements, à certains endroits là où il y a des courbures, des bifurcations, provoquer un détachement des plaques et puis provoquer des accidents vasculaires, cérébraux ou vasculaires. Gérard F., qu'est-ce que vous pensez de ces hypothèses de recherche? Absolument, je suis parfaitement d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Il y a un lien qui paraît assez évident et qui est de plus en plus étudié entre l'inflammation et de nombreuses maladies, parmi lesquelles les maladies cardiovasculaires. C'est la première chose. La deuxième chose, au risque de vous surprendre, c'est que le mécanisme des statines fait intervenir un effet anti-inflammatoire. Donc j'espère que ceux qui ne seront pas convaincus par la diminution du cholestérol le seront par la diminution de l'effet inflammatoire. C'est son idée, visiblement, ça fonctionne. Absolument. Et la troisième chose, c'est que l'année dernière, en 2017, il y a eu une énorme étude sur 18 000 patients, un anti-inflammatoire qui, pour la première fois, a montré qu'il diminuait les événements cardiovasculaires. Alors pour l'instant, il y a d'énormes problèmes, parce que rien que le coût, c'est un anti-inflammatoire extrêmement coûteux, etc. Mais c'est une vraie piste de recherche et il est tout à fait probable qu'un jour on ait des anti-inflammatoires spécifiques. Caroline Tourbe. Pour revenir sur une autre maladie dont vous avez dit le nom, la dépression, il y a une étude, alors je vais mettre des énormes warnings autour de ce que je dis, ça clignote, donc je ne dis pas qu'il faut, c'est pas une prescription, mais il y a eu des études qui ont été faites sur quelques personnes avec de l'aspirine, donc c'est l'anti-inflammatoire de base qu'on connaît tous historiquement, voilà, je ne vous refais pas l'histoire de l'aspirine, mais donc ça a été tenté et ça a montré des résultats contradictoires, mais intéressants. Autrement dit, on est clair, c'est pas de l'aspirine qui va être la solution sur la dépression, mais ça a montré suffisamment d'intérêt pour qu'il y ait, donc, cette voie de recherche sur l'inflammation dans les maladies type dépression, a priori sans lien avec les problèmes, des problèmes cardiovasculaires, et bien si, visiblement, il y a quand même ce, ce mécanisme, cette inflammation. Est-ce qu'on sait si ces inflammations à bas grade, elles peuvent être diagnostiquées? Est-ce qu'on sait s'il y a des prédispositions génétiques, épigénétiques? On a un peu un tableau ou pas du tout? Et non, en tout cas très peu. En tout cas, dans l'article de Coralie, qui était quand même très centré sur les explications des mécanismes que l'on découvre sur les différentes maladies, l'aspect héréditaire ou l'aspect même épigénétique, ou, on ne sait pas trop. On a quand même l'idée que notre mode de vie occidental, notre mode de vie avec une alimentation trop riche, une sédentarité, le stress, des polluants, que visiblement, on sait que ce sont des facteurs qui favorisent l'inflammation. Alors, est-ce que c'est le chaînon manquant entre donc ce mode de vie et la flambée de maladies, de nouveaux fléaux du 21e siècle, est-ce que c'est l'inflammation? C'est la proposition, l'hypothèse qui est faite par de plus en plus de chercheurs, mais c'est une hypothèse. Et les liens avec le diabète? Alors sur le diabète, c'est les liens avec la graisse abdominale notamment, dont on imagine, c'est pareil, les adipocytes qui sont les cellules qui constituent la graisse sont des cellules dont on est en train de réécrire toute l'histoire. Et même la graisse maintenant, elle est considérée comme un organe. Hein. Mmh. On considère que comme elle sécrète... Il y avait d'ailleurs un dossier dans Sciences et Vie, elle sécrète ses propres hormones, enfin pour des tas de raisons, on peut la classer parmi les organes. Et donc là, le rôle de cette graisse, serait qu'elle favoriserait l'inflammation et que l'inflammation, par des détours un peu complexes à expliquer ici, mais enfin, au final, ça favoriserait la résistance des cellules à l'insuline, qui est l'hormone qui permet au sucre d'être utilisé comme l'énergie pour notre corps. Ouais. Et alors justement, Gérald parlait de début de solutions thérapeutiques. On sait d'expérience que les anti-inflammatoires sont des médicaments qu'il faut prendre avec beaucoup de parcimonie, qui sont assez dangereux, qui ont des effets secondaires un peu lourds, notamment pour les reins ou pour le système digestif. Est-ce qu'il y a des pistes thérapeutiques ou est-ce qu'on pourrait commencer à avoir une sorte de vue d'ensemble là-dessus? Non, alors on imagine bien que quand il y a autant de chercheurs qui travaillent dans une direction comme celle-là, évidemment, c'est aussi pour avoir des pistes thérapeutiques. Bon, on en est loin. Il y a l'exemple que vous citiez sur les maladies cardiovasculaires, l'aspirine dont je parlais sur la dépression, il y a des pistes. C'est pas, on est très loin d'aller se faire prescrire de l'aspirine pour soigner tout ou la nouvelle aspirine qui soignerait tout, la panacée contre l'inflammation qui serait la panacée contre toutes les maladies du 21e siècle. On n'en est pas là. Oui, et puis attention encore une fois aux excès d'anti-inflammatoires qui sont des médicaments avec beaucoup de parcimonie. De toute façon, le dossier ne dit jamais qu'il faudrait prendre ces anti-inflammatoires pour lutter contre ces maladies. On n'en est pas là. Hein. J'arrête un mot pour conclure. Vous avez raison, l'aspirine garde des effets secondaires. L'aspirine fait saigner, l'aspirine a des effets secondaires sur le rein. Il faut des anti-inflammatoires spécifiques et c'est tout l'enjeu de ces recherches passionnantes dans plein de domaines. Et qu'on peut lire dans le dossier du Science et Vie du mois, de sa nouvelle formule, mais on en reparlera tout à l'heure. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et dernier sujet cette semaine à 16h45, un sujet en forme d'enquête médico-policière quasiment autour d'une maladie aussi mystérieuse que son nom est quasi impossible à épeler. Si ça n'était un nom propre, ça ferait beaucoup de points au Scrabble. Il y a même 6 consonnes d'affilée, je vais essayer. On va voir, ça s'appelle la maladie de Hirschsprung, je crois que j'ai oublié le S, c'est ça, Elodie Chabrol? Oui, exactement, Hirschsprung. Alors, vous êtes parti faire de la Miss Marple médico-historique. Exactement, on a un peu l'impression en lisant cet article de Nicolas Chevalier donc dans le Pour la Science du mois de février, donc de ce mois-ci, un petit peu d'être dans un espèce de cluedo médical pour essayer de trouver le coupable de cette maladie. Donc cette maladie tient son nom de Harald Hirschsprung, qui est un médecin qui a diagnostiqué le premier donc ces maladies chez 2 enfants. Alors qu'est-ce que cette maladie? Elle se manifeste par une constipation chronique et un côlon hypertrophié, donc en gros un côlon qui s'agrandit. Et donc, ce médecin a donné son nom à cette maladie. On est à la fin du... Le début de l'enquête, c'est 1886. Exactement. Hein. Donc, à Berlin, en 1886. Et à peu près, un nouveau-né sur 5000 dans le monde est atteint de cette maladie. Donc, après ça, pendant à peu près 50 ans, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire qu'on ne savait pas comment la traiter. On savait la diagnostiquer, mais on ne savait vraiment pas quoi faire. On peut préciser qu'il y a aussi un gros déséquilibre en épidémiologie. Tout à fait. C'est que c'est une maladie qui touche beaucoup plus les garçons que les filles. Beaucoup plus les garçons que les filles. Et pourtant, il n'y a aucune... la maladie n'a pas été détectée sur le chromosome X, qui est en général la raison génétique de toucher plus les garçons que les filles. Mais là, c'est un des mystères, notamment. On ne sait pas pourquoi, mais elle touche plus de garçons que de filles. Donc, on avance de 50 ans pour lesquels il ne se passe rien. Voilà, il ne se passe rien jusqu'au jour où, en 1948, un chirurgien d'origine danoise, Orvar Svensson, ça va un peu mieux là, niveau nom. C'est mieux, il y a moins de consonnes. Voilà, exactement, a remis un petit peu en cause le raisonnement. Donc, pendant un moment, on se disait que okay, le côlon a hypertrophié et la cause. Donc, parfois, ils enlevaient par chirurgie le côlon hypertrophié. Et là, il a essayé de changer un petit peu la façon de faire et il s'est dit on va faire une colostomie. Donc la colostomie, je ne suis pas médecin, donc je vais essayer de l'expliquer. Mais vous allez le faire le mieux possible. Ne tapez pas ça dans Google Images, vous en non, prie. Ne non, le faites surtout plaît, pas. S'il vous plaît, ne le faites pas. Donc je l'ai fait, hein, donc je peux vous dire de ne pas le faire. Ce qui a été vu ne peut plus être dévu, voilà, là, comme on dit. Ça, hein, voilà, c'est exactement ça. Ça a complètement atteint mes yeux maintenant. Mm-hmm. L'idée, c'est qu'en gros, on coupe une partie du côlon et on le greffe à la peau, donc du ventre. Et quand il a fait ça, il s'est rendu compte que en fait, en mettant un petit ballon manométrique, pardon, pour mesurer la pression au niveau de l'anus qu'il avait laissé, il s'est rendu compte qu'en fait, le côlon qui avait été greffé au niveau de la peau, lui, exerçait une pression, donc était contractile. Par contre, le petit anneau qui était relié à l'anus, lui, ne bougeait pas. Et donc, du coup, il s'est rendu compte qu'en fait, le problème, c'était probablement pas le côlon hypertrophié, mais cette petite partie, cette petite bague au niveau de l'anus, qui, au final, n'était pas contractile. Qu'on appelle la partie distale du côlon. La partie distale, car c'est la plus loin. Donc, lui a proposé que la constipation était due, justement, à cette petite bague qui ne bougeait pas, en fait. Donc, du coup, bloquait tout au niveau de l'anus. Et là, on fait encore un bond dans le temps, parce qu'une fois, on a trouvé ce qui est important tout de même, c'est que Svensson trouve un traitement chirurgical, hein, grâce précisément Svensson à cette opération. Svensson a trouvé le traitement chirurgical qu'il a testé chez des chiens. Hein, on n'est plus. on est à une époque qui est différente d'aujourd'hui. Hein. Et le premier malade a été guéri, et il vit encore aujourd'hui, et il a eu 4 enfants. Donc cette méthode marche très bien. Fonctionne. Exactement. On avance donc dans le temps. On avance dans le temps. Et donc là, en 1900. Il y a eu quand même un petit truc encore que Svensson a fait, c'est qu'il a pris ses morceaux de côlon et il s'est rendu compte qu'il manquait de neurones. Ah oui, c'est Svensson. C'est ça. Svensson. C'est là, absolument, l'absence de neurones entériques, c'est Svensson, tout à fait. Donc, il a quand même fait ça, il s'est rendu compte qu'il manquait de neurones. Mmh. Et donc, ce qu'on sait, c'est que l'intestin a 2 couches de neurones. Une couche qui va être plus près du centre et qui va servir à l'absorption des nutriments, à relâchement des enzymes, etc. Donc, tout ce qui est un petit peu chimique. Et il y a une autre couche qui est un petit peu plus périphérique, qui va être coincée entre 2 couches de muscles et qui, elle, va aider à tout ce qui est contraction, etc. Donc, avancement, à l'avancée du bol alimentaire dans l'intestin. C'est entre autres pour ça qu'on parle de deuxième cerveau intestinal, grâce à la quantité de neurones qu'il y a dans nos intestins et notre système digestif. Tout à fait. Dans l'intestin. Et donc, du coup, il manquait, en fait, ces neurones au niveau de la partie distale de l'intestin. Donc, pourquoi n'ont-ils pas de neurones ? Et là, on avance, effectivement. C'est là qu'on avance, jusqu'aux années 60. C'est là qu'on avance, dans les années 60. Et jusqu'aux souris. Exactement. Donc là, aux souris, donc une biologiste dans le laboratoire Jackson, donc qui est un des plus gros, qui est le plus gros, la plus grosse bibliothèque de souris, comme on appelle, donc avec énormément de lignées disponibles. La biologiste Priscilla Lane s'est intéressée à 2 lignées. Qui s'appelait Little Spotted and Peebles Little. Donc en deux, c'est deux lignées qui meurent très très jeunes. Un quart des souriceaux de ces lignées meurent en quelques jours. Et la partie, donc la Little Spotted, avait des zones de dépigmentation. Sur les poils. Donc là, on part sur autre chose, mais c'est on ça. Va revenir. On c'est va ça. Revenir. juste avant, quelques années plus tôt, en fait, on avait découvert que les mélanocytes, qui sont responsables donc, de cette pigmentation... De la pigmentation de la peau. De la peau. Chez nous aussi, hein, c'est ça voilà, qui nous fait bronzer. Exactement. Viennent de la crête neurale. Donc, un morceau de l'embryon qui, en gros, l'embryon, à un moment, c'est une espèce de feuille de cellules. Et la crête neurale, c'est une feuille qui va se replier pour créer les mélanocytes, les neurones, etc. Donc là, avec ces souris, qu'elles voient, qui ont donc les problèmes d'intestin, comme les maladies, comme les maladies d'Hirschsprung, et ce problème de peau. De dépigmentation. Exactement. Donc, du coup, ça lie l'origine des neurones, parce qu'il faut se rendre compte qu'à l'époque, on ne savait pas comment tout ça marchait, on ne savait pas d'où venaient les neurones, etc. Donc ça a permis également l'avancée de la compréhension du développement, en fait. Et donc là, oui, on s'est dit, ok, donc c'est probablement la crête neurale qui a un problème de développement, donc ces cellules probablement qui ont un problème de migration. C'est ça, parce qu'en fait on comprend qu'à un moment donné, il y a une migration effectivement des neurones du haut vers le bas dans le développement embryonnaire puis fœtal. Exactement, voilà. Exactement. Et que ces neurones viennent donc de la crête neurale, du même endroit que les mélanocytes, et qu'il y a probablement un problème de migration. Et c'est une autre biologiste en 1960, française, Cocorico, voilà, de Nantes, Nicole Le Doirin, qui là décide de faire des chimères caille poulet, tout simplement parce que les cellules de caille sont marquables par une certaine coloration et les cellules de poulet ne le sont pas. Et donc on peut assister à la migration de ces fameux neurones qui ne vont pas se poser dans l'intestin. Exactement. Et là, en fait, ce qu'elle fait, c'est elle veut juste voir quel trajet font les neurones. Et en fait, elle se rend compte que ces neurones font le trajet de l'œsophage jusqu'à l'anus. Alors, il faut quand même se dire que pour une cellule qui fait entre 8 et 15 micromètres, elles font un trajet de à peu près 1 cm sur l'embryon de poulet. Donc, ça équivaut pour un humain de 1,50 m à peu près à faire 100 km. C'est énorme. C'est gigantesque. Oui. C'est vraiment énorme. Donc, c'est un marathon pour ces cellules qui doivent se diviser en même temps et avancer. C'est vraiment un trajet gigantesque. Ça, c'est les travaux de Nicole Le Doirin, et on continue à avancer jusqu'à la fin des années 80, et on commence à mettre le doigt sur une protéine en particulier grâce à des travaux sur la pression artérielle. Exactement. On y revient, décidément. Exactement. C'est une journée cardiologie. Exactement. Ce qui est intéressant, en fait, avec cette étude, c'est qu'on voit que plein de morceaux du puzzle ont été amenés en fait par des gens qui travaillaient pas forcément sur la maladie de Hirschsprung, mais qui détectent des choses qui donnent effectivement ce genre de symptômes. Et qui complètent le puzzle au fur et à mesure. Qui complètent le puzzle au fur et à mesure. Donc c'est vraiment un cluedo, on a des indices au fur et à mesure de l'avancée. Et effectivement, on découvre que l'endothéline 3, donc en gros qui est une molécule... Une protéine, oui. Une protéine, oui, qui a donc un effet sur la pression artérielle, la pression sanguine, qui a une grande affinité pour un récepteur. Eh bien, écoutez, cette molécule, elle est impliquée dans la migration. Donc, en gros, l'idée, ce serait que des cellules ont le récepteur à leur surface et elles partent à la recherche, donc elles suivent, en gros, des gradients d'endothéline. Une sorte de parcours fléché de la protéine qui emmène, voilà. C'est un peu comme un Pac-Man, quoi. Non, mais visuellement, c'est un peu oui, ça. C'est Pac-Man ça. Qui part chercher, au final, l'endothéline. Quoi. Tout à fait. Donc voilà, c'est une première idée moléculaire. Donc du coup, on se dit, on va chercher un petit peu, voir s'il y a des patients avec ces mutations. Et là, on se rend compte que 5%... Encore une demi-fausse piste, parce que c'est que 5% des cas. Oui. Ce n'est que 5%, exactement. Mais c'est une avancée, mais vraiment une petite avancée. Et on va trouver une autre piste en 94, cette fois, sur une autre protéine. Tout à fait. Donc sur le chromosome 10, cette fois-ci. Donc c'est un peu comme l'endothéline, c'est un couple de protéines récepteurs, la même chose. Là pareil, on se dit niveau génétique, ça va être chouette, ça va probablement tout expliquer. Et on a encore seulement 20-25% des cas expliqués grâce à la protéine RET et GDNF. Donc c'est la même chose. Et alors du coup, où on en est aujourd'hui, maintenant qu'on a suivi cette enquête sur quasiment 150 ans, quel est notre niveau de connaissance de cette maladie de Hirschsprung? On a toujours du mal à mettre le doigt sur un seul facteur déclenchant. Alors oui, mais malheureusement pour les maladies génétiques, il y a souvent des cas, notamment l'épilepsie par exemple, où génétiquement c'est très dur de trouver un gène qui va être responsable de tout. Donc, il y a probablement beaucoup de facteurs. Quand on réfléchit à tout ce que ces petites cellules doivent faire et tout ce qu'elles doivent... avoir comme problème à surpasser, etc., on dit qu'il y a probablement des tonnes et des tonnes de gènes qui doivent être responsables. Encore aujourd'hui, il y a très très peu, au final, de cas génétiques, il y a une trentaine de pourcents, on va dire, qui peuvent être expliqués. Il y a encore beaucoup d'équipes qui travaillent à essayer de détecter génétiquement des anomalies. La plus simple façon de traiter cette maladie, c'est toujours la chirurgie qui traite environ 95% des cas. La chirurgie de Svensson, donc on n'a pas avancé depuis le le milieu du XXe siècle. Voilà cette enquête pseudo-médico-scientifique, c'est-à-dire dans le numéro du mois de Pour la Science. On arrive à la fin de cette émission. Une information que vous avez vue, que vous avez suivie, quelque chose. Caroline. Moi, je vais vous parler de la nouvelle formule de Science. Mais oui, évidemment, mais j'allais vous suggérer. C'est vrai qu'on sort le numéro 1 d'une nouvelle formule dont on est très content, notamment parce que c'est pas tellement que les sujets qu'on traite ont changé. On reste un magazine passionné par la science, les questions du quotidien, les réponses de la science, et puis les grandes questions de la vie en général. Mais ça fait un grand changement, notamment parce que l'ancienne formule, moi qui suis un vieux conservateur, bien, voilà. Vous savez, j'aimais bien, j'avais l'habitude de les retrouver. Là, ça change beaucoup. Et on a juste mis en plus en avant la partie société, notamment questions de société. On l'a vu au début de l'émission avec les statines. Mais il y a des tas de sujets où on a l'impression d'un bouillonnement d'informations, et où Science et Vie essaye de faire en sorte que le lecteur s'y retrouve. Voilà. Et pour ce premier numéro, vous avez choisi de titrer sur la Bible. Alors allez-y maintenant. Voilà. Allez-y. Donc toujours attaché à la science, et vous titrez sur la Bible. Oui, il va falloir nous expliquer en deux mots. On va parler de génomique. Voilà, premier mot. Big data, on va dire que ça en fait qu'un. Et même archéométrie. En tout cas, on est vraiment dans les grandes recherches et les grandes technologies au service du décryptage de la Bible, de cet ouvrage. Élodie Chabrol, une actualité, une information dont on n'aurait pas parlé, qui vous semble important de suivre ou de... Le festival Play Azur, qui aura lieu ce week-end, donc qui est un festival de youtubeurs, de vidéos, etc. On a quasiment toute l'équipe de la méthode scientifique, des youtubeurs de la méthode scientifique qui est là-bas. Et il y aura beaucoup de monde du Café des Sciences, donc il y aura de la science, la vulgarisation scientifique beaucoup représentée à Nice. Et puis sinon, une information scientifique récente qui vous a intéressé, qui vous a plu, qui a attiré l'attention, ou qu'il faudrait suivre dans les jours ou dans les semaines à venir. J'avoue que j'ai été beaucoup prise par Starman à SN. Voilà. Donc c'était un petit peu pollué par ça, mais pas pollué. On va dire que c'était partout sur Facebook, Twitter, etc. Non, je crois, à part Play Azur que. Gérard, vous lisez la presse scientifique. Il y a des informations scientifiques qui vous ont intéressé ou récemment. Oui, bien sûr, mais je reste focalisé quand même sur les maladies cardiovasculaires et un espoir pour les patients qui souhaitent baisser le cholestérol autrement que par statine. Il n'y a pas que les statines. Il y a un nouvel espoir, une nouvelle piste de recherche qui est en train de montrer des résultats tout à fait prometteurs. Il y a des anticorps monoclonaux. Oui, on en a parlé il n'y a pas très longtemps. Qui sont des anti-PCSK9, dont les résultats ont déjà été partiellement publiés et qui vont l'être dans le mois prochain. Et donc, il y a un espoir de baisser encore plus drastiquement le mauvais cholestérol, le LDL cholestérol, sans avoir les effets secondaires des statines, avec des effets tout à fait prometteurs et supplémentaires en termes de diminution d'infarctus. On en est à quel stade des essais là ? Il y a des essais de morbi-mortalité en cours. Le premier a été publié, le second va l'être le mois prochain. Et on attend avec impatience ces résultats. Merci beaucoup, merci à tous les trois d'avoir été autour de cette table. Merci Caroline Tourbe, évidemment Science et Vie, précipitez-vous sur la nouvelle formule. Vous allez voir, ça change, mais c'est bon de changer un peu de temps en temps. Merci Élodie Chabrol, un petit mot peut-être sur les prochains rendez-vous Pint of Science en France. Donc là, on a des événements spéciaux un peu tout le temps. Il y en aura un en mars à Paris, dépêchez-vous, il ne reste que 6 tickets. D'accord, on va mettre le lien sur le fil Twitter. Voilà, et sinon, Pint of Science aura lieu du 14 au 16 mai cette année dans une quarantaine de villes en France et 20 pays. Et ben on suivra ça et puis on vous réinvitera pour en parler. Merci beaucoup à Gérard d'être venu pour parler des statines. Et puis moi aussi, je vais faire ma promo puisque demain, c'est le forum, la deuxième édition du forum L'année vue par les savoirs dans le grand amphi de la Sorbonne autour des thèmes sexe et pouvoir tout au long de la journée. Adèle Vendrette pour la philosophie, Emmanuel Laurentin pour l'histoire, Maïlys Besserie pour l'économie, nous-mêmes pour les sciences. Et ce sera conclu par un dialogue entre Olivia Gesbert et le réalisateur Olivier Assayas. Vous pouvez venir, évidemment, c'est gratuit, mais il faut vous inscrire. Il y a peut-être quelques places qui vont se réouvrir dans la soirée sur le site maisondelaradio.fr. Pour ce qui nous concerne, eh bien, nous parlerons du dimorphisme homme-femme dans l'histoire de l'évolution, mais aussi par le prisme de la paléontologie, par le prisme de la génétique, de l'épigénétique. Ça va être passionnant avec Yves Coppens, Edith Heard et Pierre-Henri Gouillon. Ce sera de 15h30 à 16h30 dans le Grand Amphi de la Sorbonne. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Sarah Hijman, Céline Lozen, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Naomi Naguette, Saint-Vulfranc, Elisabeth Miro à la réalisation, Alex Dang à la technique. La suite de vos aventures dans un instant, c'est le magazine de la rédaction. Tout à l'heure, comme chaque vendredi, en direct du Bel Air à la Maison de la Radio, la dispute et le grain à moudre. Dans le club du grain à moudre, Hervé Gardet se demandera si l'opposition est de retour. Et pour ce qui nous concerne, eh bien, la semaine prochaine, lundi, nous parlerons de l'apparition du vol dans le règne animal. Mardi, du futur de la combinaison spatiale. Mercredi, des phénomènes d'addiction numérique vus par les neurosciences. Jeudi, l'histoire d'un nom maudit de la science, Giordano Bruno. Et vendredi, bien, ce sera la diffusion du forum enregistré demain, donc à demain dans le Grand Amphi ou à lundi à 16h, jusqu'à preuve du contraire.